Je veux plus propager la haine, parler de soirées d'impro, Eric Salah Ken. Des textes sombres et violents, comme j'écrivais avant. Ce n'est pas que je renie mon ombre, mais les erreurs du passé m'ont affaibli, blessé. Je tiens par la grâce de Dieu mon seul appui pour pas que je retombe. Que je retombe dans quoi raide, dans mon monde, celui de la défonce, de la galère. Je me remémore des passages de ma jeunesse et pleure encore ou presque pour la dureté de mon cœur envers mes proches et ma mère. C'est non sans remords et tristesse que je me revois bouger dans une grande détresse, le regard dur, mettant des coups de poing dans le mur de ma salle de bain. Jeune révolté qui pensait qu'à traîner, qu'il n'y en avait rien à foutre du tout. Du moins ça c'est ce que je disais. Précoce dans les vices, accumulant les rancœurs envers les videurs et la justice. Ma fierté blessée, mon frère à l'hôpital, et moi dans la tourmente, me tapant des films de fous pour le venger. Oh, comme la haine abîme, comme le mal désir nous menait à l'abîme. J'ai pensé pouvoir gérer seul ma vie, sans me rendre compte que je tombais dans le vide. Sombre comme un dimanche soir où je déprimais, pensant à la semaine qui arrivait, sans but ni espoir pour avancer. Qu'attendre le week-end, retrouver mes potos, me défouler en me défonçant, même si cela m'enfonçait. J'ai vraiment dû cette dure période, eu l'impression de pas avancer. Un peu comme à deux faces, souvent avec un vélo crevé. Si je réfléchis, je m'aperçois que j'ai grandi difficilement dans un milieu où on cache les sentiments, où le son confie rarement. J'ai souffert des conséquences de mon enfance, mais je voudrais pas vous faire croire que je m'en suis sorti seul. Je dis simplement ce que j'ai vécu et confesse ma grande faiblesse, justement. Car sans l'aide de Dieu, je ne suis rien, sincèrement. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Schma. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Schma. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Schma. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Depuis la première latte sur mon premier bédo, depuis la première bière, un soir entre poteaux. Ma formation en matière de fonce D a suivi son évolution. Dans un contexte tel que le Grimont, il était facile de céder à la tentation. Et j'avais compris que beaucoup de moyens sont bons pour mettre son cerveau en ébullition. Du deux-feuilles perso à la soufflette turbo, du ton carreau fantôme en passant par le Marocco. Hello écarlate dans le guban, les shit, la beuh, la tease, tout ça bien mélangé pour attiser la convoitise des gens. Des parties de cap cul sec dans la cave à Jojo, des soirées taille de Sky, sorties du Leclerc dans la doudoune. Déchiré à la vodka bon marché et au yodou à gogo. Tous les soirs la même galère, assis sur le mur, nos regards scotchés la lune et nos yeux doux se voilaient sous l'effet de l'alcool et du THC. Je ne pensais qu'à voler et aux morceaux de touch que j'allais m'acheter. J'étais devenu maître dans l'art de faire la fête et dans la manière de mettre la tête. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Le soir l'on m'a proposé ses cachets. Je sais que la vie est belle maintenant que je l'ai tachée, mais aussi dure comme toutes ces drogues derrière lesquelles je me suis caché. J'ai compris bien trop tard en me regardant dans le miroir. J'avais beaucoup plus d'espoir quand j'avais pas fumé de pétard. Petit à petit mon cœur s'ouvre à toi, je te remercie mon Dieu de m'avoir mis sur ta voie. À présent je suis en harmonie avec la nature et ses lois. Ne contrôle plus mon émoi devant la beauté de tes fleurs et devant ces paysages aux mille couleurs dans lesquels je me noie. Schma. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Schma. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Schma. Frère, qui que tu sois, ne sois pas sourd. Tu viens, écoute ça. Rap violent d'amour. Rap violent quand on vous exprime ce que l'on pensait, ce que l'on a vécu avec peu d'amour dans le cœur. Parcours de jeunes blessés avec des couplets qui en témoignent par leur froideur. Mais rap d'amour, car il est écrit dans le but de prévenir nos frères et sœurs, afin qu'ils ne suivent pas ce chemin mauvais, et que même s'ils l'ont pris, leur dire que seul l'amour pourra les sauver. Seul l'amour peut nous changer. Il agit comme un détachant, il efface les traces indélébiles que la vie m'a laissées. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés, à tous les êtres qui me sont chers. Maman, je suis si content quand tu me souris. À mes potos, mes sœurs et mes frères, à ma femme, mon tout, mon double, ma chérie. Par les liens de l'amour, nous sommes unis.